Chapitre 39. Le droit des voisins et la recommandation en leur faveur. Allah Ta'ala dit: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession. Sourate 4, verset 36. 303. Selon Ibn Omar et Aisha, radiyallahu anhum, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Jibril, Gabriel, n'a cessé de me recommander les voisins à tel point que j'ai pensé que leur serait accordée une part de l'héritage. Al-Bukhari et Muslim. 304. D'après Abu Dhar, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: « Oh Abu Dhar, lorsque tu prépares un ragoût, mets-y beaucoup de sauce et portes-en à tes voisins. » Muslim. Dans une autre version de Muslim, Abu Dhar, radiyallahu anhu, rapporte: « Mon bien-aimé, le messager d'Allah, m'a recommandé ceci. Lorsque tu prépares un ragoût, mets-y beaucoup de sauce, puis choisis une famille parmi tes voisins et porte leur rang. » 305. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Par Allah, il n'est pas croyant. Par Allah, il n'est pas croyant. Par Allah, il n'est pas croyant. On demanda: Qui donc, ô messager d'Allah? Il répondit, alayhi salatu wassalam: Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version de Muslim, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: « N'entrera pas au paradis celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. » 306. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: « Ô femme musulmane, que l'une d'entre vous ne dédaigne pas faire un cadeau à sa voisine, ne serait-ce qu'un pied de mouton. » Al-Bukhari et Muslim. 307. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Que l'homme n'interdise pas à son voisin d'enfoncer un morceau de bois dans son mur. Abu Huraira ajouta: Pourquoi négligez-vous cette recommandation? Par Allah, je ne cesserai de vous la rappeler. Al-Bukhari et Muslim. 308. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Que celui qui croit en Allah et au jour dernier ne nuise pas à ses voisins. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier reçoive généreusement ses hôtes. Et que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou se taise. Al-Bukhari et Muslim. 309. D'après Abu Shurayh al-Khuza'i, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: Que celui qui croit en Allah et au jour dernier soit bon avec ses voisins. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier reçoive généreusement ses hôtes. Et que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou se taise. Muslim, selon cette version, et Al-Bukhari en partie. 310. Aïcha, radiyallahu anha, rapporte qu'elle demanda au prophète: « Ô messager d'Allah, j'ai deux voisines. À qui dois-je offrir un bien, faire un cadeau, en priorité ?» Il, alayhi salatu wassalam, répondit: « À celle dont la porte est la plus proche. » Al-Bukhari. 311. Selon Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: « Le meilleur des compagnons auprès d'Allah Ta'ala, et le meilleur avec ses compagnons. Et le meilleur des voisins auprès d'Allah Ta'ala est le meilleur avec ses voisins. At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan ».